Vêtu de ton vieux 501 et chaussette tes poudres sans dents, un pull en laine trois fois trop large et gros bijoux comme camouflage. Escalérise à Clignancourt. Tout le monde peut se féliciter de son parcours. Valou, t'as bien fait de mettre les bouts. Valou, faut arrêter de boire des coups. Elle sodomise le troubadour.